tu vois, je suis planté, planté, planté au milieu du désert, dont mes rêves sont faits des enfants astronautes. Gonfle mon cœur pour le voir s'envoler au milieu des splendeurs. Tu vois, je suis planté, planté, planté au cœur de Buenos Aires, la ville aux yeux fardés, au fond de cet estuaire où viennent les pétroliers donner à la rivière un long baiser salé. Se croit debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Encore, encore, encore, c'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, à me vanter de me traîner à tes genoux. Tu vois, je suis planté, planté, planté dans un ciel de réglisse. J'ai jeté des trajets, c'est la croix dessus que je viens de semer et qui du fond du ciel étoile ton sommeil. Tu vois, je suis planté, planté, planté. Le souffle du bandoneon avale mes poignets et les cils des feux rouges clignotent sans arrêt pour me faire chanter, me taire ou bien voler. Encore, encore, encore, c'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Encore, encore, encore, c'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Tu vois, je suis planté, planté, planté.